Je suis au téléphone avec Mike, donc le chanteur du groupe Ernest. Salut Mike, tu vas bien ? Salut, et toi Didier, ça va ? Bah écoute, moi ça va bien, hein, ça va bien. Alors en préambule de cette interview, j'ai choisi Sang Divin, le titre que l'on vient d'écouter, hein, et qui selon moi représente bien le caractère d'Ernest. Alors mis à part qu'il ouvre l'album, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce titre ? Écoute, c'est aussi l'un des premiers titres que l'on a composé. Donc effectivement, il nous définit bien. On souhaitait vraiment avoir un titre rythmé, dynamique, mais dans le même temps, avec plusieurs couleurs, tu vois, notamment par rapport au passage plus calme, qui est quasiment au centre du titre, pour repartir ensuite sur une fin de morceau plus dense. Donc on trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour écouter notre album. Il prépare un peu, je dirais, au voyage que les autres titres peuvent proposer. Alors avant toute chose, moi je pense qu'une petite présentation est bien nécessaire. Alors Ernest, c'est un groupe qui est composé de 4 musiciens, en fait. Ernest, c'est qui et qui fait quoi ? Eh ben écoute, alors dans le désordre, on a Phil qui fait du bruit avec 4 cordes. On a Auré qui en fait aussi avec 6 cordes. Moi j'essaie d'en faire avec une seule. Et puis Sepp, par-dessus, essaie de tout couvrir en faisant encore plus de bruit. Donc voilà, mais bon, c'est pas que nous 4. Même si on compose toujours à 4 et que chacun vient avec au départ peut-être avec des idées pour démarrer, on avance toujours ensemble. Après, il n'y a pas que nous, on a une vraie petite famille qui nous entoure. Il y a Patrick, notre manager, qui nous ramène, je dirais, dans le droit chemin de temps en temps. Il y a Rémi aussi qui fait en sorte qu'on ne sonne pas comme des adolescents dans un garage qui auraient mis les amplis à fond avec un dictaphone. Et on a Charlotte aussi qui nous couve et qui veille à notre santé mentale. Voilà, on a aussi Selma qui nous décrit en images et en vidéo, donc c'est vraiment complet. Dans la famille Ernest. Ouais, je suppose que tout ça, c'est des musiciens qui ont quand même un peu de bouteille au niveau musique, non ? Oui. On a eu pour la plupart des expériences avec d'autres groupes plus ou moins longues et plus ou moins denses et où on est allés tous plus ou moins loin. Mais du coup, on est venu avec aussi cette expérience et puis cette envie aussi de retrouver un peu cette essence rock un peu brute où voilà, on ne s'impose pas de choses techniques particulières. On avance vraiment sur des choses qui nous touchent. Et, voilà. Alors moi, j'ai appris sur Internet, j'ai regardé, hein, j'ai cherché un petit peu. Donc Ernest est né à Seclin, dans la banlieue lilloise. Pendant le confinement, donc, ça c'est ce que j'ai appris, mais bon, tu penses que c'est, pour moi c'est un peu léger. Donc je voudrais que tu nous racontes un petit peu plus en détail l'histoire d'Ernest. Alors, bah, Ernest, déjà, par rapport au nom, c'était un gars un peu barré, qui aimait le rock, le punk, et puis l'énergie et la violence qu'il pouvait y avoir parfois dans la musique. Et il a filé les clés de sa baraque à Seb pour nous permettre, nous, d'en faire davantage en termes de musique. Et on s'est dit que ce serait bien de lui rendre un bel hommage comme ça, de nous appeler Ernest. En plus, en anglais, Ernest, c'est, veut dire son nid, donc ça prend encore plus de sens. Donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est venu. J'ai lu dans un article sur La Voix du Nord qui titrait avec un premier album, le petit groupe de rock Ernest rêve grand. Alors, c'était quoi vos rêves lorsque le projet a débuté? Vous aviez une vision bien définie de ce que ça devait être ou pas? Bah, écoute, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose où il n'y aurait pas de concession. Ça, c'était le maître mot. Dans le sens, pas de prise de tête non plus, pas de technicité à outrance, et l'envie de sortir vraiment ce qu'on avait au fond de nous, quelque part dans notre tripes. Mais pas en le faisant uniquement dans notre coin, avec, voilà, juste dans un garage ou autre. On avait vraiment l'envie de le partager avec le plus grand nombre, et de faire, que ce soit en concert ou via des plateformes et autres supports, quelque chose qui puisse parler aux gens. Donc, c'est un peu comme ça que le groupe est arrivé, et ce qui avait, et cette vision, je dirais, qu'on avait aussi de ce qu'on voulait faire sur le projet. Quoi. Alors, je sais que les groupes, ils n'aiment pas trop les étiquettes. Hein. J'ai lu à votre sujet qu'on vous classait, peut-être vous-même, vous vous classez comme groupe de grunge. De votre côté, comment qualifies-tu, toi, l'univers d'Ernest? Bonne question. Pour tout te dire, on a eu beaucoup de mal aussi à nous trouver, à nous situer nous-mêmes. On fait du rock en français, avec des teintes un peu de grunge, parfois un peu de punk. Peut-être même parfois, pas forcément du métal, mais au moins une sonorité qui peut faire penser à certaines choses du métal. Et donc tout ça par rapport à nos influences. Du coup, on rentre pas vraiment dans les cases ou dans une case en particulier qui pourrait sauter aux yeux de tout le monde. Je dirais qu'après, ça dépend peut-être aussi beaucoup de la sensibilité des personnes qui nous écoutent. Et eux sauront mieux nous définir que nous, quelque part en fonction de leurs oreilles et de ce qu'ils aiment. Donc, quelque part, voilà. On est rock, grunge rock, j'en sais rien, mais un peu de tout à la fois, peut-être. Donc, on peut dire, Ernest, c'est du rock français, avec des mots qui claquent et qui collent vraiment à la musique. Est-ce que vous portez un soin particulier au texte? Oui, on essaie, et j'essaie de m'appliquer pour les textes. Après, comme je les range dans un classeur, tout ça, avec des feuillets en plastique et des autocollants doodle, parfois dans la poussière et l'humidité, si tu veux, je dois les repasser, mais... Mais c'est clair que, en gros, si le texte ne nous parle pas, on classe et on passe à autre chose. On passe à un autre texte qui peut peut-être plus nous parler, plus nous prendre en tip, on corrige et autres. Mais c'est comme pour les instruments et le chant, si tu veux, l'écriture du texte, c'est vraiment une discipline du quotidien et on y porte beaucoup d'importance. Alors, est-ce que tu privilégies le sens des mots pour raconter une histoire ou est-ce que tu joues plutôt sur la sonorité de ceci pour accompagner la mélodie? Un peu des deux, je dirais, parce que parfois, même si les mots sont forts et qu'ils sont justes pour expliquer ce qu'on veut dire, ils ne sonnent pas forcément bien pour accompagner les mélodies, ou en tout cas une mélodie précise. Donc c'est un peu une construction qui se fait au fur et à mesure, et pour laquelle il faut pouvoir être souple, je dirais, parce que, encore une fois, si on se met des contraintes inutiles, on peut être bloqué sur un mot qui a vraiment beaucoup d'importance pour nous, mais qui ne sonne pas forcément bien. Il faut pouvoir aussi accepter peut-être de le changer, de le faire différemment ou de l'amener peut-être à un autre moment. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Quelque part là, ça se construit vraiment ensemble pour le coup. Donc je dirais que les deux ont leur place dans la construction et dans la composition d'un morceau. Et c'est quoi en général les sources d'inspiration pour l'écriture? Bah écoute, elles sont multiples. Il y a un peu de nos vies hein, dans les textes, voire beaucoup hein, de nos expériences. Ça, c'est clair. Et là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de limite à partir du moment où le thème et où l'histoire nous touche et qu'on pense pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Quoi. On y va parce que ça mérite qu'on y passe du temps, on y va parce que ça mérite qu'on y mette de l'énergie. Si quelque part, l'un de nous a un doute ou estime qu'on ne va pas suffisamment loin, et ben on retravaille, on recommence, et puis, ou alors on ne choisit pas le thème en question, mais... Les sources d'inspiration sont multiples et très très liées, je dirais, à la vie courante, notre vie à nous ou celle d'un entourage plus ou moins près ou lointain, peu importe, mais parfois même des articles de presse, enfin, il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Peu de tout. Je suppose qu'en ce moment, l'époque actuelle, notre société, ce qu'on vit au quotidien, ça doit être une grande source d'inspiration en ce moment-là. Ah oui, clairement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses parfois assez absurdes qui méritent qu'on s'y penche pour dire mais où va-t-on en fait. Donc oui, il y a pas mal de contenu, c'est bien. Bon, ouais. Après, si ça ralentit, c'est pas trop mal, on va trouver autre chose, hein, c'est pas grave, mais il y a quand même du contenu. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'Ernest est un groupe engagé ou un groupe enragé? Ça dépend des moments. Un peu les deux quand même aussi. Et non, clairement, oui, je ne saurais pas me positionner. Tu vois, entre enragé ou engagé, on est enragé, engagé. Voilà. Et quand on parle de vous, on évoque Noir Désir. C'est une influence pour vous ou comment vous prenez la chose? Une influence, certainement. Oui, comme peuvent l'être Brel ou même les Zeppelin pour faire vraiment deux extrêmes quelque part dans la musique et le type de musique. Mais Noir Désir a écrit et mis en musique des textes qui porté avec Quentin de toute son âme, avec une incarnation folle. Donc oui, on peut dire que ça nous a influencé. Après, on a notre patte et notre identité en plus, donc on espère que ça apporte encore quelque chose en plus. Votre album, donc Reflet de l'âme, est sorti il y a quelques semaines, au mois de mars. Raconte-nous sa genèse. Bah écoute, c'était beaucoup de réunions, des mails, des directions, des contre-directions, un bordel sans nom. Non, bon après évidemment je plaisante, mais on a dû quand même structurer les choses. Ça c'est pour dire qu'effectivement on a compris que à un moment donné il fallait qu'on ait une méthode de travail sur les compos, car on avait beaucoup d'idées, également beaucoup d'envie, donc il a fallu aussi choisir un peu nos priorités pour les morceaux et prendre ce qui était pertinent quelque part pour chaque titre, en fonction aussi de ce qu'on voulait dire. Après, tout le reste qu'on a pu avoir en idée, on le garde pour plus tard et on jette rien ou presque. Mais comme on travaille sur plusieurs titres parfois en même temps, ça a demandé une organisation pour pas s'y perdre. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on écrit d'ailleurs sur tous les tableaux, je dirais que bon, si t'as un sponsor pour des recharges sur les paperboards et les feutres, on est preneur. On a consommé des feutres et des planches de papier. Est-ce que le confinement vous a donné plus de temps justement pour le peaufiner? Alors c'est surtout le groupe qui a été créé pendant le confinement. Après, il y avait déjà des idées pour un peu tout le monde. Il a fallu du coup centraliser tout ça et beaucoup beaucoup échanger. Et c'est aussi pour ça que quelque part, avant d'être musicien, on est aussi surtout des humains qui se sont rencontrés, si tu veux. Et on est maintenant vraiment une bande de potes où on échange sur tous les sujets, qui sont pas forcément tous drôles, attention, il y a des sujets un peu sombres, mais ça permet vraiment beaucoup de fluidité dans ce qu'on peut se dire. Donc c'était pas vraiment pour le confinement, pour les fois d'après, les autres confinements qu'on a pu avoir, oui, dans un sens, on avait le temps de se poser, de réfléchir, de choisir des choses pour développer ce qu'on voulait faire vraiment avec la finalité qu'on en attendait. Donc dans un sens, ça a aidé, mais par contre, plus gros, c'est fait après, quelque part. Vraiment, de poser l'ensemble des 9 ou 10 titres que l'on a sur l'album, ça a été fait après les confinements. Mais ça a été un point de départ intéressant pour aider à mettre en place tout ça. Alors même si les peintures sont encore fraîches, hein, quel est ton retour et ton ressenti sur cet album? Mon ressenti, c'est d'être, je dirais, assez surpris par l'effervescence que ça a pu susciter. C'est super positif, parce qu'en plus, on y a mis beaucoup de temps et d'énergie sans savoir qu'il ferait naître, je dirais, autant de sentiments chez d'autres personnes. Donc maintenant, ça nous donne l'envie d'aller encore plus loin avec encore plus d'énergie et avec plus d'idées encore pour la suite, mais on est ravis de partager des thématiques qui rassemblent, même si parfois elles peuvent être un peu sombres, mais au moins ça parle à beaucoup de gens a priori, donc ouais, ça a été super positif pour nous et on est agréablement surpris. Ouais, un album qui commence d'ailleurs à rencontrer un beau petit succès, hein. On le retrouve en chronique sur le net, il est présent dans pas mal de playlists en streaming. Vous y attendiez à avoir un démarrage comme ça, c'est une surprise ou ça a été travaillé peut-être? On peut toujours travailler sur la communication haute, mais après le résultat reste de toute façon une surprise parce qu'on n'est jamais sûr finalement de rien, donc d'autant plus qu'à l'origine, au départ, on voulait le faire aussi pour avoir, je dirais, du contenu à offrir, je dirais, pour aussi avoir des opportunités, notamment de concerts. Après, quand on a vu le nombre de titres qu'on avait, on s'est dit, voilà, on peut en faire un album et on peut aller encore plus loin. Donc, ça a pris une autre ampleur. Alors, du coup, super. Mais non, au départ, c'est effectivement un démarrage, c'est une surprise. C'est clair. On écoute le titre « Ma jolie petite A » et puis on en parle après. Soir, comme une idée vide d'espoir, hey, je t'entends chuchoter à chaque déboire que tu es fier d'être à moi. Ma petite anxiété, bien blottie dans mes bras. La raison, depuis je suis en transe, sans issue à l'horizon. Tu m'envoies ton reflet quand je cherche le coupable. Une vérité plus qu'implacable. Hey, je devrais m'échapper, mais j'en suis incapable, car je suis prisonnier de toi. Ma petite anxiété, accroché à tes bras comme ton esclave avoué. Mais il n'y a personne autour qui ne peut te présenter pour les gens qui m'entourent. Tu n'existes pas. Ma jolie petite A, c'est le titre que vous avez choisi d'extraire en single. Pourquoi ce titre en particulier ? Je dirais qu'on a fait partie des sujets personnels que beaucoup de personnes ont pu connaître ou connaissent encore. Donc tu sais, cette anxiété, un peu vicieuse qui te prend la tête, qui joue sur tes nerfs et qui peut parfois te prendre aux tripes. D'autant plus que c'est pas forcément un mal visible parce qu'on arrive pour la plupart à le cacher. Mais du coup, on est souvent seul avec soi-même dans cette situation-là. Dit que, en plus par rapport au nom de l'album Reflet de l'âme, c'était la plus pertinente pour à la fois vis-à-vis de notre style, à la fois vis-à-vis du texte et du thème évoqué, qui parlait peut-être plus directement de nous. Et comme en plus on y a adossé, je dirais, le clip, ça nous a permis aussi, avec la vidéo qu'on a pu faire, de contrebalancer un peu la noirceur, je dirais, un peu silencieuse du thème par un cadre décalé, avec une mise en scène de lumière, pour la mise en lumière, pardon, d'anxiété, comme une entité un peu à part entière. Donc voilà pourquoi on avait choisi ce thème-là. Donc on a évoqué la puissance des mots, celle de l'image, donc avec le clip, un joli petit A. C'est une belle vidéo d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette vidéo? Elle a été tournée où, comment? Elle a été tournée au Magic Mirror de Seclin. Et on remercie d'ailleurs Pascal, d'ailleurs, qui nous a fait ce beau cadeau, parce que c'est vrai que pour le coup, c'était super agréable et on a pu faire pas mal de choses et tester plein de choses, donc ça c'est top. Et puis bon, on est vraiment content du résultat, ça claque, donc ça c'est chouette. Et puis ça nous a permis de pouvoir raconter l'histoire en fait de la chanson, parce que on a donné à l'anxiété une présence humaine quelque part, comme si c'était une personne, et je le disais juste tout à l'heure, comme une entité un peu à part entière. Ça a permis de faire un scénario et d'avoir le temps aussi de le mettre en place sur le clip et d'avoir ce décalage en même temps vis-à-vis du lieu où on a un peu l'impression comme si on était dans une boîte à musique. Parmi les titres de cet album, il y a Dernier Jour, qui selon moi pourrait également toucher d'autres personnes, un public plus large. T'en penses quoi ? J'en pense que pour moi c'est le titre en tout cas le plus fort, même pour d'ailleurs les autres, je pense au niveau du texte par rapport à l'ensemble de l'album. Et là encore, c'est clairement nos vies qui transpirent dans les mots et dans l'histoire qui est racontée. Mais même vis-à-vis de la musique, qui monte en intensité tout du long du titre, en même temps que le chant, ça a du sens. Donc c'est un titre très très personnel, mais qui conserve aussi, selon nous, plusieurs niveaux de lecture possibles. Donc c'est aussi ce qui peut en faire sa force, parce que quelque part, je sais ce que je raconte, mais peut-être que d'autres personnes l'interpréteront différemment, avec la même intensité, mais pour d'autres sujets, d'autres expériences de vie qu'ils ont pu avoir. Donc ça c'est intéressant aussi d'amener un titre comme celui-ci. Donc il ne faut pas hésiter à s'y aventurer. Alors moi je vous ai découvert grâce au dernier clip, que la reprise de Comme un boomerang. Comment vous est venue cette superbe idée ? Écoute, il y a parfois des idées qui arrivent un peu comme ça, par hasard, juste dans un coup de délire ou un coup de sang, j'en sais rien. Et on les lance, boum, sur la table, et puis on se dit, tiens, pourquoi pas ? Finalement, on le tente, sans être vraiment sûr. Puis quand on essaie et qu'on trouve des idées qui vraiment nous mettent nous-mêmes une claque, on se dit, allez, go. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé, go. Et puis merci à Seb pour cette idée, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Seb, notre batteur, qui nous a proposé ça, et puis on y est allé à fond. L'exercice de la reprise, c'est quelque chose que vous appréciez faire ? Pas particulièrement, et on s'était dit que si on le faisait, on le faisait vraiment en mettant ça à notre sauce. C'est ce qu'on a fait là, donc on l'a vraiment fait avec notre énergie, notre intensité, et notre version un peu du rock, donc on est content qu'elle plaise, parce que vraiment, on y a mis d'une autre pour pouvoir nous l'approprier et la transformer, entre guillemets, sans prétention aucune, mais d'en faire vraiment autre chose que ce qui avait déjà pu être fait. C'est un exercice de style... qui peut être intéressant. Ouais. Et alors du coup, est-ce que dans l'euphorie de ce titre, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres exercices du style ? Écoute, on a parfois des idées tellement loufoques que vous n'êtes pas à l'abri effectivement qu'on recommence, mais préparez-vous, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. On verra au feeling et les idées qu'on pourra lancer sur la table, celles qu'on retiendra ou pas. Mais on restera de toute façon principalement sur de la compo et je dirais que ce sujet-là, ce sera pour compléter, pour nous amuser aussi, et puis revisiter des titres qui nous ont marqués. Bon, je suppose que maintenant, la priorité, c'est le live. Alors, comment se remplit l'agenda ? Où va-t-on vous voir cet été ? Écoute, tu peux voir Seb, si tu veux, au Cap d'Agde, peut-être en safari à Dunkerque. moi, pour ma part, je ferai une fresque en Lego de mon anxiété. Et mais après, musicalement, on va évidemment faire trembler et quelques planchers, si je peux dire, à la fois sur la côte, sur l'île, de l'île à Boulogne, jusqu'à même la Belgique. Donc là-dessus, vis-à-vis des dates, vous pouvez déjà suivre notre agenda sur ernest-officiel.com, donc Ernest avec un H. C'est mis à jour régulièrement sur les dates et il y en a quelques-unes, il y en a déjà pas mal déjà en place. Tiens, puisqu'on parle de concert, il y aurait un truc dingue à réaliser. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Bonne question. Écoute, le truc dingue, c'est qu'on prend la route d'un événement complètement barré qui nous ressemble un peu, où on peut y exprimer tout ce qu'on a à dire du jour au lendemain. Voilà. Ça peut paraître bête, puis en même temps, c'est un peu dingue, parce qu'avec nos vies au quotidien, ouais, on peut se dire, allez, on fonce, et puis le truc, on sait pas où on va, mais on y va, et on sait qu'on aura du monde à voir et avec partager des choses, donc ouais, ça peut faire partie d'une dinguerie. Bon, alors, et après, l'avenir d'Ernest, c'est quoi? C'est faire un petit frère à Reflet de l'âme ou il y a d'autres projets en gestation? Le petit frère de Reflet de l'âme est déjà en cours de création. On a déjà 3 ou 4 titres d'ores et déjà prêts. Et attention, spoiler, il y a de fortes chances qu'on les joue prochainement en concert. Voilà, il y en a autant d'ailleurs en gestation qui attendent qu'on leur consacre du temps pour avancer. Mais oui, il y a des choses en cours, notamment un nouvel album. Et pas que, évidemment, mais... On garde les surprises pour l'instant. Pour 2023 ou pour 2024 l'album? On va être optimiste, on dirait, je dirais 2023, mais comptons peut-être plus sur début 2024 quand même, à mon avis. Alors avec le recul aujourd'hui, est-ce que les objectifs qui étaient fixés au départ ont été atteints ou est-ce que le projet a évolué comme tu l'imaginais au départ? Je dirais que là-dessus, on avait davantage des valeurs que des objectifs réels. S'il devait y avoir par contre un objectif principal, je dirais que ce serait celui de toucher les gens et de jouer nos morceaux face évidemment à un public, toucher les gens comme on souhaite à travers notre musique, nos textes et notre énergie. Donc dans un sens, celui-ci est atteint parce qu'on a eu beaucoup de monde qui nous ont écoutés, qui ont été réceptifs et avec beaucoup d'avis positifs et qui en redemandent. Donc demain, on souhaite qu'il y en ait encore plus. Après, si on veut pousser le bouchon plus loin, bah voilà, on peut se dire aussi presque que, limite, on ne cherche pas forcément la notoriété ou le fait d'être validé, à la limite, ça, on s'en cale, clairement. L'important, c'est que notre musique vive à travers les gens qui l'écoutent et puis qu'ils y reviennent quand ils en ont l'envie ou le besoin. Et d'avoir fait un premier album qui marche bien, est-ce que ça met la barre haute pour le deuxième, justement? Ça oblige effectivement à aller plus loin encore, en consolidant un peu les bases de ce qu'on a pu faire et de voir ce qu'on peut apporter encore en plus. Donc oui, ça met entre guillemets une petite pression, mais une pression saine. C'est toujours positif d'aller de l'avant et d'évoluer encore sur ce qu'on peut faire. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des choses à rajouter, un dernier truc à dire, un coup de cœur, un coup de gueule peut-être? Je dirais que que les gens nous suivent sur les plateformes de streaming, sur notre site, sur les concerts, et puis qu'on puisse partager tout ça ensemble et puis continuer à aller plus loin avec tout le monde, quoi. Pas de soucis. Merci à toi, Mike, d'avoir déjà pris de ton temps, qui, je suppose, comme celui de tout un chacun, est très précieux pour répondre à mes questions. Ben, merci à toi aussi. Je te souhaite à toi et puis à Ernest, évidemment, tout plein de bonnes choses pour la suite. Un gros succès, une belle réussite. Et puis, je te laisse le mot de la fin pour conclure cet entretien. Bien, merci. Je dirais mot de la fin, gingembre. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci, à plus. Salut, merci. Ciao. Bye. Yeah.